Suce-moi. Prends dans ta bouche le maître. Ébranle-le de ta vigueur. Avale, chienne. Souillée et déchirée. Suce. Écarte tes jambes. Et de tes doigts frêles. Montre-moi. Esclandre ta chatte. Esclandre ta chatte. Esclandre ta chatte. Qu'elle brûle. Que je m'embrase en toi. Montre-moi. Laisse-moi entrer. Par derrière, laisse-moi. Me noyer en toi. Par derrière, laisse-moi. Te faire gémir. Souffrir. Pâlir, vomir des abîmes. Le diable égaré. Laisse-moi, je t'en prie. Je te prendrai. Et je le prendrai lui. Ce libidineux couteau. Anneau des infirmes. Je le prendrai et te trancherai. La gorge, ta chatte. Ensevelie par son torrent. Les roses couleront. Me maudiront. Les roses couleront. Me maudiront. Le diable égaré. Me maudiront. En lambeaux ta chair, la lanterne s'éclaire. Le sentier miséreux s'encombre. Laisse-moi te baiser, te prendre de tous les côtés, sauvagement t'épriper, humilité brisée, crispée dans l'obscurité, absurdité des temps anciens, forteresse sans âge. Maladresse sans sage, elle se meurt, emportant dans sa tombe. Un ermite s'écroulant sous les décombres. Hécatombe scandée, souillée, son de l'intérieur hurle, pleure. Perles de tes larmes s'enfoncent dans la chair, dans la chair.